France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous, bienvenue en direct au Studio 105. 26 septembre 1957, une déflagration se produit à New York. Le critique du New York Times écrit « Les retombées radioactives de West Side Story doivent être toujours en suspension sur Broadway ce matin. De l'énergie, de la vie, du drame, des meurtres, le critique est surpris. Mais c'est 4 ans plus tard, lorsque le spectacle, qui s'est déjà joué à 1000 reprises à New York, est adapté au cinéma et reçoit 10 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, qu'il prend une ampleur internationale. Aujourd'hui, on peut dire qu'avec « Chantons sous la pluie », West Side Story est la comédie musicale la plus connue des Français et celle qui leur fait aimer la comédie musicale. Mais au départ, c'est un spectacle vivant qu'on doit à 4 génies, le compositeur Leonard Bernstein, le parolier et futur compositeur Stephen Sondheim, le dramaturge Arthur Lawrence et le chorégraphe et metteur en scène Jérôme Robbins. Depuis jeudi, West Side Story est à l'affiche à Paris de la scène musicale, cette nouvelle salle de spectacle qui a ouvert cette année à l'ouest de Paris sur l'île Seguin à la place des usines Renault. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir en direct 3 des acteurs principaux de West Side Story, tous américains, ainsi que l'équipe créative de cette recréation qui tourne à travers le monde depuis 1 an. À mes côtés, Joey McNeely, le metteur en scène et chorégraphe qui a dansé pour Jérôme Robbins. Au piano, Donald Chan, le directeur musical qui a rencontré Leonard Bernstein. Nathalie Ballanger qui incarne Maria. Keely Byrne qui incarne son amie portoricaine Anita. Et Kevin Hack qui est déjà installé, qui interprète le rôle de Tony. Et ce matin, vous pouvez, je dois vous le dire, nous écouter certes en direct sur France Musique, mais vous pouvez aussi nous regarder en direct. L'émission est retransmise sur la page Facebook de France Musique et vous pouvez même dialoguer avec nous et avec Aliette Delalleux qui est derrière son ordinateur. Pour débuter, Kevin Hack nous plonge dans une rue de New York en 1957. Je vous rappelle quand même l'histoire de West Side Story, c'est l'adaptation, vous le savez, de Roméo et Juliette. 2 gangs luttent dans le Upper West Side pour la possession d'un territoire, une rue. Il y a les Jets, qui se considèrent des Américains de souche, on va dire, et puis les Sharks, d'origine portoricaine. Lui, Tony, c'est un ancien des Jets. Il est d'origine polonaise, il s'est rangé il y a 1 mois, il travaille dans une épicerie, et il sent que quelque chose est en train de lui arriver. C'est normal, parce qu'aujourd'hui, il va rencontrer Maria. C'est une Shark, mais pour le moment, something's coming, c'est ce qu'il ressent. Parole Stephen Sondheim, musique Leonard Bernstein, au piano, Donald Chan, et dans le rôle de Tony, Kevin Hack, en direct sur France Musique. Who knows? Could be. Who knows? There's something to any day. I will know right away, soon as it shows. And make him cannonballing down through the sky, gleaming its eye, bright as a rose. Just out of reach, down the block, on a beach, under a tree. I got a feeling there's a miracle due, gonna come true, coming to me. Could it be? Yes, it could. Something's coming, something good. If I can wait, something's coming. I don't know what it is, but it is gonna be great. With a click, with a shock, phone will jingle, door will knock. Open the latch, something's coming. Don't know when, but it's soon. Catch the moon, one-handed catch. Around the corner, or whistling down the river. Come on, deliver to me. Will it be? Yes, it will. Maybe maybe just by holding still, it'll be there. Come on, something, come on in. Don't be shy, meet a guy, pull up a chair. The air is humming, and something great is coming. Just out of reach, down the block on a beach. Maybe tonight, maybe tonight, maybe tonight. En direct sur France Musique et en vidéo sur la page Facebook de France Musique, Kevin Hack qui interprète Tony actuellement à la scène musicale dans West Side Story. C'était Something's Coming. Bonjour Joey McNeely. Ah, bonjour. Bonjour Donald Chan. Bonjour. Comment est né West Side Story, Joey McNeely? Et c'est Xavier Combes qui traduit en simultané ce matin en direct. I first came to West Side Story as a dancer way back in 1989. Comment est né ce spectacle? Est-ce que c'est vrai que Jerome Robbins est à l'origine de l'idée d'adapter Roméo et Juliette au temps moderne? Well, originally, you know, the history of West Side Story is, you know, Jerome Robbins had the idea of adapting. À l'origine, en effet, Romeo and Juliet, c'est Jerome Robbins qui a eu cette idée d'adapter Roméo et Juliette pour en faire un spectacle situé dans le New York moderne de l'époque. À l'origine, le titre, c'était East Side Story, bizarrement. Ça, c'était le titre initial. Il s'agissait d'une fille catholique. Non, excusez-moi. I think it was a Jewish girl non, and a fille, Catholic juive boy. Et un garçon catholique. Because it was originally slated to be about a religious il devait issue, s'agir you know, d'une question religieuse à l'origine the Romeo and Juliet, pour remplacer families, Romeo and Juliet les familles was about, feuding families. Des Romeo et Juliette, les Montaigu et les Capulet. You know, donc nature. Là, l'idée, but, c'était celle que je viens de vous in dire. 1950s, quoi qu'il en soit, dans les années 50, les États-Unis ont fait de Puerto Rico un territoire américain. Donc il y a eu une arrivée massive de Portoricains à New York. Et tout à coup, on s'est retrouvé avec pas mal de rivalités, de conflits au sein de la jeunesse. Il y a eu des gangs qui se battaient. Ça faisait la une des journaux. Et là, ils se sont dit, eh ben non, on va passer de East Side à West Side et on va transposer ça avec les Portoricains. Et c'est maintenant qu'on se retrouve avec West Side Story. Voilà. Donald Chan, est-ce que c'est vrai que vous avez d'abord découvert le film? Vous êtes le directeur musical de West Side Story actuellement à la scène musicale. Oui, j'ai vu le film à San Francisco. J'étais ado. Et à partir de là, évidemment, j'étais passionné par la comédie musicale et j'ai voulu participer à la comédie musicale. Alors, votre expérience nous intéresse beaucoup parce que beaucoup derrière le poste, je suis sûr, connaissent le film, ne connaissent pas le spectacle. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le film West Side Story et le spectacle qu'on va pouvoir découvrir à la scène musicale? The stage came first, and it was the original that went into the movie afterwards. Donc, vous l'avez dit, le film est venu après la comédie musicale à Broadway. Il y a des scènes qui ne correspondaient pas très bien entre les deux. Donc, il y a eu quelques petites différences. C'était en fait pour les besoins du cinéma qu'on a adapté les choses en coupant certaines scènes de la comédie musicale. Par exemple, je voudrais qu'on réécoute ensemble, et je suis sûr que les auditeurs s'en rappellent, le prologue du film. Et ce n'est pas, on est d'accord, le prologue du spectacle que j'ai revu encore vendredi soir. Quelles sont les différences? The difference is in the prologue. Ah, le prologue est différent, it's en effet, parce que le prologue du film est bien plus long. Dans le film, on vous montre toute une scène de l'ambiance de New York, alors qu'évidemment, sur scène, c'est difficile. Donc, c'est plus bref, mais on essaye quand même de capturer toute l'action qui se passe dans ce quartier. On se remémore le prologue du film West Side Story, un film de 1961. Thank you. le prologue du film West Side Story. Et pendant que ce titre passait, Joey McNeely nous expliquait aussi pourquoi cette version était beaucoup plus longue que ce qu'on peut voir sur scène. Et par exemple, il y avait beaucoup plus de claquements de doigts. Si, moi, j'étais un peu déçu quand je suis allé le voir à la scène musicale. Il y a beaucoup moins de claquements de doigts, par exemple. Well, it's very interesting. Everyone has seen the movie. Oui, c'est intéressant. Bon, le film, tout le monde connaît. Et il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte que la comédie musicale est antérieure au film. Lorsque l'on tourne un film, on adapte les choses. Et dans le prologue a été rallongé dans le film parce qu'il faut du temps pour que la caméra fasse un gros plan sur tel ou tel élément. Alors que pour la scène, lorsque le rideau se lève, tout le monde voit exactement la même chose en même temps. Quand on commence à jouer avec la caméra, il faut voir le bâtiment, on veut créer une ambiance, on veut faire un gros plan sur ceci, sur ça, et ça prend plus de temps, nécessairement. Donc, bien souvent, les comédies musicales sont rallongées dans les versions films. Et sinon, un autre détail intéressant sur West Side Story. Moi, on m'accuse de changer l'original. Les gens viennent me voir en disant, mais vous avez modifié le film. Et moi, je dis, mais non, c'est l'original de la comédie musicale, c'est le film qui a tout modifié. Mais dans le film, les garçons sont dans l'Amérique. Ah oui, la chanson qui s'appelle America. Voilà. Il y a à la fois les garçons et les filles qui chantent, alors que sur scène, ce n'est pas le cas. Il n'y a que les filles. Alors que sur scène, il n'y a pas de garçons dans l'Amérique. Et pour les claquements de doigts, vous m'aviez expliqué qu'en fait, au cinéma, on peut faire des gros plans sur les claquements de doigts, ce qu'on ne peut pas faire sur scène. Oui, les claquements de doigts, c'est encore autre chose. C'est un dialogue. Vous avez ce petit dialogue et c'est fini. Mais dans le film, ils veulent faire un gros plan des claquements de doigts et il faut que le spectateur ressente ça. Donc, on l'entend dans l'ensemble de prologue. Alors que sur scène, vous ne pouvez pas avoir des gens faire des claquements de doigts pendant 3 minutes comme ça sur scène, c'est puissant. Retour sur scène au plateau en direct sur France Musique et que vous pouvez regarder également ce matin sur Facebook, sur la page Facebook de France Musique. Vous le savez, nous recevons les trois acteurs principaux de West Side Story et je vous propose de découvrir maintenant Maria. Elle est incarnée par Nathalie Ballinger. Elle est en duo avec Kevin Hack qui interprète Tony. Bon, vous connaissez par cœur la situation, mais je me fais un plaisir de vous la raconter à nouveau. Les deux, Tony et Maria, viennent de se rencontrer. Les Jets et les Sharks se sont confrontés, se sont affrontés pacifiquement sur le terrain neutre d'un concours de danse. Et soudain, durant ce concours, la lumière blanche a éclairé les deux membres de gangs différents. C'est le coup de foudre. Et un peu plus tard, comme dans Roméo et Juliette de Shakespeare, Tony vient parler à Maria alors qu'elle apparaît au balcon. Ils montent sur un escalier de secours typique de New York et tous les deux entonnent ce duo signé Leonard Bernstein. Tonight, Kevin Hack, Nathalie Ballinger et au piano, John Yoon. Imagine being afraid of you. You see? I see you. See only me. Only you, you're the only thing I'll see forever. In my eyes, in my words, and in everything I do. Nothing else but you ever. There's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria. Tony, Tony. Always you, every thought I'll ever know. Everywhere I go, you'll be. Always you and me. Tonight, tonight, it all began tonight. I saw you and the world went away. Tonight, tonight, there's only you tonight. What you are, what you do, what you say. Today, all day, I had the feeling a miracle would happen. I know now I was right. For here you are, and what was just a word. Tonight. and moons all over the place. Tonight, tonight, the world is wild and bright, going mad, shooting sparks into space. The world is a star tonight. Good night, good night. Sleep well, and when you dream, dream. Kevin Hack, Nathalie Ballinger, en direct sur France Musique et en vidéo sur le Facebook de France Musique. Kevin, on a déjà reçu un commentaire d'un des internautes qui trouve que vous avez, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, Médard Fimbel, qui nous écrit que vous avez une belle voix de crooner. Of a crooner. well, I appreciate that. Thank you very chouette. Much. Merci beaucoup. I don't know, I don't really have anything to say to that, just mais thank you very dire. Much. Merci beaucoup. Voilà. Il faut dire à Médard quand même que Kevin a un parcours assez étonnant, puisque jusqu'à 18 ans, il était joueur de hockey, mais il chantait pas. Ce qui est quand même étrange. Yeah, I have a pretty different background than everybody else. Oui, c'est vrai que je suis un petit peu atypique. J'ai commencé à chanter assez tard, à l'âge de 18 ans. Je devais devenir hockeyeur professionnel, c'était mon rêve. Je voulais faire partie d'une équipe universitaire avant de devenir professionnel. Et puis le hasard, on a décidé autrement. J'ai fait le casting pour Les Misérables lors de ma dernière année de lycée. J'ai un ami qui m'a dit tu devrais le faire. Ça a marché, j'ai eu un des premiers rôles et puis voilà, je suis là devant vous aujourd'hui. Et donc, vous avez appris à chanter en... Dites-nous, faites-nous rêver, en combien de jours, de semaines, de mois? J'ai été aidé par de nombreux enseignants, mais en particulier, j'ai un enseignant qui a été un mentor pendant toute ma carrière, Ron Sharp, et son épouse Barbara. Il joue un rôle très important, enfin il jouait un rôle très important à Broadway dans les années 90 au début des années 2000, donc lui il m'a enseigné tout ce qu'il savait. Ron lui avait appris beaucoup de ses propres mentors, de ses propres enseignants, donc il m'a tout prodigué et je lui suis ô combien reconnaissant. En combien de temps alors? Vous ne m'avez pas dit. Ça a duré environ deux ans, peut-être. C'est possible. Et Nathalie Ballinger, vous, par contre, vous avez un cursus musical plus long. I started at a very early age. Moi, j'ai commencé à chanter très jeune. Ma grand-mère est comédienne, donc je suis un peu tombée dedans petite. Moi, j'ai commencé à faire du théâtre professionnel à l'âge de 11 ans. Et Honk the Ugly Duckling, la mélodie du bonheur, j'ai joué là-dedans aussi. Puis, je suis allé à l'université pour étudier l'opéra. J'ai un master en études d'opéra. Et entre l'opéra et la comédie musicale, je passe ma carrière. J'ai fait La Belle et la Bête en tournée. Et avant cette tournée-ci, je faisais une autre tournée. Donc, j'essaye de travailler à la fois l'opéra et la comédie musicale. Alors c'est intéressant parce que évidemment Bernstein, quand il parle de West Side Story, il considère que c'est presque un opéra. Pour vous, c'est quoi West Side Story, un opéra ou une comédie musicale? Ah, mais les deux, mon capitaine. C'est ce qu'il y a de mieux du point de vue de la comédie musicale, parce qu'il y a de la danse, il y a du jeu de comédien, et puis vous avez une orchestration formidable qui permet de donner à West Side Story une dimension d'opéra. Et pour vous, en tant que comédienne, c'est compliqué, West Side Story, à interpréter ce rôle de Maria? Yeah, it's very interesting. It's you go through such. Oui, c'est très intéressant parce que on passe par une période d'évolution absolument incroyable. Donc, ça dure 36 heures hein, l'histoire, je crois. Donc, on voit Maria au tout début, qui est si jeune, innocente, naïve. Elle ne connaît rien du monde et à la fin, elle est devenue un être humain radicalement différent. Donc, moi, je fais ça tous les soirs. Je chante, je joue et j'essaye de partager cette émotion avec le public, c'est épuisant, mais c'est très, très exaltant et c'est très gratifiant. Et c'est très, très agréable de se plonger dans ces moments en profondeur et de vivre ces émotions et ces sentiments qu'elle a, cette Maria, pendant 36 heures de sa vie. Je dois dire, j'ai eu la chance de vous voir vendredi. J'étais ému, effectivement, parce que voilà, vous perdez quand même votre frère. Enfin, vous allez à travers différentes étapes et c'est tout à fait bouleversant, effectivement, à voir sur scène. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on écoute Leonard Bernstein, puisque c'est le compositeur, et que voici un autre moment que les auditeurs qui connaissent le film ne connaissent pas et découvriront sur scène à la scène musicale. C'est un ballet de 6 minutes, onirique, on va dire, comme dans toute bonne comédie musicale. C'est une sorte de pause dans l'agitation entre des meurtres. Tony a donc tué le frère de Maria à la fin du premier acte. On a compris que la réunion et la paix entre les deux bandes, les Jets et les Sharks, était impossible. Alors avant un dénouement final qui peut être que dramatique, les auteurs offrent une bulle de rêve aux spectateurs dans un monde blanc, immaculé, où tout le monde s'aimerait sans barrière. Une chanson intitulée « Somewhere », dirigée ici avec un orchestre dirigé par Leonard Bernstein et pour les voix, Kirite Kadnawa et José Carreras. Somewhere, que vous découvrirez à la scène musicale dans cette version originale de West Side Story. Sur scène, ici c'était un enregistrement avec Kiri Te Kanawa et José Carreras, dirigé par Leonard Bernstein. Retour sur le plateau de 42e rue, en direct du studio 105, en direct sur France Musique et en vidéo avec l'image sur la page Facebook de France Musique. N'hésitez pas à commenter. Par exemple, je remercie Nicole Weber qui apparemment passe un très bon moment en notre compagnie. Et apparemment, Paulette Maillet a déjà vu le spectacle au Châtelet et a une furieuse envie de le revoir. Nous sommes en direct avec désormais une troisième artiste. Elle incarne l'amie de Maria, elle s'appelle Anita. C'était la petite amie de Bernardo que Tony vient juste de tuer. Anita entre dans la chambre de Maria après le meurtre. Elle comprend que son amie vient de passer la nuit avec Tony et elle lui crie au visage « Bien, comment peux-tu coucher avec un tel meurtrier ?» C'est un duo qui s'intitule « A Boy Like That »,« I Have Love ». Voici Kelly Byrne et Nathalie Bellanger, accompagnés au piano par John Yoon sur France Musique. A boy like that would kill your brother. Forget that boy and find another. One of your own kind, stick to your own kind. A boy like that will give you sorrow. You'll meet another boy tomorrow. One of your own kind, stick to your own kind. A boy who kills cannot love. A boy who kills has no heart. And he's the boy who gets your love and gets your heart. Very smart, Maria, very smart. A boy like that wants one thing only. And when he's done, he'll leave you lonely. He'll murder your love, he murdered mine. Just wait and see, just wait, Maria. Just wait and see. Anita, no, Anita, no. It isn't true, not for me. It's true for you, not for me. I hear your words in my head. I know they're smart, but my heart, Anita, but my heart. A boy like that will kill your brother. And my heart, we'll get that boy, he's just find another. For one of your own kind. Stick to your own kind. To him alone, one thing I know. A boy who kills cannot love. I don't care. A boy who kills has no heart. I don't know. And he's the boy who gives her love and gives her heart. Very smart, Maria, very smart. Better you were in love, or so you said. You should know better. I have a love, and it's all that I have. Right or wrong, what else can thank you. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Et en direct du studio 105, Kelly Byrne, Nathalie Bellanger, au piano John Yoon, et cet extrait de Wayside Story en direct sur France Musique et sur la page Facebook. Je le redis parce que quand même, voilà, nous sommes en direct, vous pouvez nous regarder en vidéo ce matin. Bonjour Kelly Byrne. Bonjour. Est-ce que c'est vrai que Wayside Story, c'est la toute première comédie musicale dans laquelle vous avez joué? Quand vous étiez petite? Yes, I actually the first musical that oui, I ever did was in high school. En réalité, la première comédie musicale dans laquelle j'ai participé, c'était quand j'étais au lycée. Mais avant ça, je faisais de la danse. J'ai fait de la danse, des claquettes, puis au lycée, j'ai fait un casting pour participer à cette comédie musicale, en l'occurrence West Side Story, et depuis, je suis complètement accro. Mais j'ai l'impression qu'en fait, dans tous les lycées américains, à un moment ou à un autre, dans toutes les classes, on monte West Side Story, non ? That is a fact. Mais oui, c'est vrai, vous avez raison. The first time that I saw West Side Story, la première fois que j'ai vu West Side Story, c'était en fait ma sœur qui jouait Anita dans West Side Story. Moi, j'avais 5 ans et je voyais ma sœur sur scène jouer le rôle d'Anita. Et c'est vrai que dans plein de lycées aux États-Unis, on monte West Side Story. C'est un spectacle iconique. Il est porteur de valeurs et de leçons pour les enfants. On parle d'intolérance, de racisme. On parle du fait que la haine ne gagne jamais. Je crois que c'est une leçon très intéressante pour les jeunes lycéens. Comment on rentre dans ce rôle, alors ? Vous avez vu le film par cœur, vous avez rencontré la créatrice du rôle, Chita Rivera. C'est un honneur pour moi que de tenir ce rôle. Il y a plusieurs comédiennes iconiques qui ont tenu ce rôle avant moi, donc c'est véritablement un honneur que je ressens. Anita, c'est un rôle que j'ai toujours voulu jouer, ça a toujours été un rêve. En effet, Anita rassemble toutes les facettes d'une femme, et moi, j'ai grandi avec ce rôle. Vous vous identifiez au personnage ? Un peu, enfin évidemment vous n'avez pas cette... Ah, complètement, oui, complètement. Parce que votre mère est aussi latine et votre père est plus d'origine irlandaise, je crois. C'est toujours d'actualité ? Oui, ma mère est immigrée du Panama. Elle a rencontré mon père à New York. Mon père est irlandais. It's a part of my background. Donc tout ça, ça fait partie de moi. To know the differences je and comprends how people les différences. Je sais comment on traite les gens jugés différents. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont heureux dans cette différence. Mais ils sont d'une très grande honnêteté, d'une très grande ouverture d'esprit. Ils m'ont expliqué comment il fallait que je me fasse accepter en tant qu'être humain. Alors, nous avons eu la chance de rencontrer Chita Rivera, qui a créé le rôle de Anita à Broadway en 1957. Je vais demander comment elle s'était retrouvée dans West Side Story. Elle est traduite par Valentina Gardet. Je venais de faire un autre spectacle qui s'appelait Seventh Heaven avec Ricardo Montalban et Gloria de Haven. On m'a dit qu'un spectacle intitulé West Side Story allait se faire au sujet des Portoricains et des gangs américains. Et on m'a dit que je serais parfaite dedans. Le metteur en scène et chorégraphe était Jérôme Robbins. C'est celui qui avait fait la chorégraphie de mon premier spectacle, Call Me Madame. J'ai donc passé 4 auditions et j'ai eu le rôle. Comment Jérôme Robbins créait des numéros de danse pour West Side Story? In the studio, he would ask us to do certain variations. En studio, il nous demandait de tester différentes façons de danser. Et il disait ce qu'il aimait ou ce qu'il n'aimait pas. As far as the direction was concerned, we would read our scenes, and he would. En ce qui concerne la direction d'acteur, nous lisions nos scènes et il nous disait d'explorer ce que nous ressentions. Par exemple, pour ma chanson A Boy Like That, il m'a demandé : tu as bien deux frères ? J'ai dit oui. Il m'a dit : il y a Julio et Armando. J'ai dit oui, c'est ça. Il m'a dit : quand tu chantes, pense à tes deux frères. Donc il ne vous disait pas quel geste faire, il vous disait seulement comment se concentrer. Oui, c'est exactement ça. Il nous disait aussi de se plonger dans nos pensées et dans notre propre cœur. Il allait très loin dans l'exploration des sentiments. Il arrivait à nous faire ressentir ce qu'il voulait. Qu'est-ce que vous avez créé, par exemple, pour la chanson America? C'était juste ma propre personnalité qui s'exprimait. Il me donnait des pas et je les interprétais à ma façon. Par exemple, j'avais l'habitude de faire des sons quand je dansais, quand il y avait un moment passionné. Il a aimé ça, alors j'ai continué à le faire. C'est ma personnalité qui s'exprime dans ma façon de bouger. C'était dur de travailler avec Jerome Robbins. Vous parlez à quelqu'un qui l'adorait, vous savez. Pour moi, c'était un génie du théâtre américain. Et puis, j'étais très obéissante en tant qu'actrice, danseuse et chanteuse. Je faisais toujours comme il voulait, et c'était toujours la meilleure façon de faire. Il était très difficile. Mais seulement avec les gens qui refusaient de se concentrer ou de travailler dur. Est-ce que Jerome Robbins vous criait dessus? Jamais, non. Je l'appelais Big Daddy. Et lui, il m'appelait Cheetah Ita. What is your most memorable memory? Quel est votre plus grand souvenir sur West Side Story, Cheetah Rivera? Pendant que nous répétions pour West Side Story, Jerome Robbins ne laissait jamais les Jets et les Sharks parler entre eux. Même si nous étions amis, il ne nous laissait jamais parler ensemble parce qu'il voulait qu'une tension soit toujours présente entre nous. Et vous savez ce que j'ai fait? Moi, j'étais une shark. Eh bien, je suis tombée amoureuse d'un jet et j'ai eu un bébé qui était à moitié jet, à moitié shark. Thank you. En 1955, Chita Rivera crée le rôle de Anita dans West Side Story à Broadway et le reste est une légende. C'est Kelly Byrne qui reprend ce rôle actuellement à Paris, à la scène musicale. C'est un numéro difficile à interpréter, ce numéro America, Kelly. Is it difficult, this part in America? Is that difficult? Yes, it's a very challenging piece. Oui, c'est assez difficile ce passage-là, mais c'est quand même la partie du spectacle que je préfère. Et tous les soirs, je prends beaucoup de plaisir, malgré les difficultés, malgré la fatigue. C'est encore une fois un honneur de pouvoir jouer ça pour le public. Quelle est la difficulté ? La chorégraphie est particulièrement dynamique, athlétique, je dirais même. Et en plus de cela, il faut que je chante. Et en plus, il faut que je danse, puis il faut que je chante, puis il faut que je danse. Puis il faut que je chante, et puis, voyez. Donc il faut du souffle, de l'endurance, et donc c'est un exercice physique. Et ça se... Ça ne devient pas plus facile hein, au fil des soirs, mais bon, j'y prends toujours beaucoup de plaisir. Drake McNeely, vous êtes le metteur en scène, le chorégraphe, vous avez travaillé pour Jerome Robbins. Ce qui m'a surpris vraiment vendredi soir quand j'ai vu le spectacle, c'est combien cette chanson, America, où des Porto-Ricaines racontent qu'elles sont heureuses d'être en Amérique, mais en même temps que c'est difficile l'intégration, combien cette chanson était encore totalement d'actualité avec la présidence actuelle des États-Unis. Well, the amazing thing about West Side Story, ce qui est incroyable, c'est que West Side Story a quand même 60 ans. Les thèmes, les sujets sont particulièrement d'actualité. Il s'agit d'immigration et cette question est omniprésente aujourd'hui. Et dans America, il y a quelque chose de magnifique parce qu'on chante, eh bien, on peut être libre. Donc imaginez la femme qui dit ça. Donc c'est très important. Avant les années 50, les femmes n'étaient pas véritablement en position de pouvoir. Aujourd'hui, il y a des présidentes. Et ce serait bien si on avait une présidente aux États-Unis d'ailleurs. Ah, c'était raté la dernière fois, en tout cas. Joey McNeely, vous avez travaillé sous la direction de Jerome Robbins. On vous doit des chorégraphies de plusieurs spectacles à Broadway, The White Party, The Boy from Oz avec Hugh Jackman. Chita Rivera parlait de la difficulté de travailler avec Jerome Robbins. Vous aussi, qui l'avez rencontré, vous trouvez qu'il était difficile ? Well, it's... I got to work with Jerome Robbins when he was much older. Moi, j'ai travaillé avec le Jérôme Robbins déjà un petit peu moins jeune. Et moins jeune, évidemment, on est un petit peu moins dynamique. Donc, il avait environ 70 ans, un peu plus, quand j'ai commencé à travailler avec lui. Au début, il était très insistant. La chorégraphie vient en premier dans l'esprit de Jérôme Robbins. Peu importe vos sentiments, vos émotions, peu importe si vous n'étiez pas en forme. Ça ne l'importait pas. Ça. Lui, ce qui était présent dans son esprit, c'est la qualité de la chorégraphie. C'était ça sa priorité. Et puis, si vous ne pouvez pas le faire, moi, jeune homme, eh bien, je trouverai quelqu'un d'autre, ne vous inquiétez pas. Et ainsi, les danseurs faisaient vraiment de leur mieux. Nous, on travaillait, on essayait d'arriver à un résultat dont on ne pensait pas qu'on y arriverait, d'ailleurs. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles West Side Story est tellement aimé des comédiens, des danseurs, des chanteurs, parce qu'ils se lancent eux-mêmes un défi, ils vont au-delà de ce dont ils se croient capables. Ils doivent faire des choses que n'exige aucune autre comédie musicale. Je vous propose une petite madeleine pour vous, Joey McNeely, ce matin, 1989. Vous étiez dans un numéro qui s'intitulait Cool. Vous faisiez partie des Jets, si je ne me trompe pas. Yeah, I was part of the Jets. The amazing thing. Sous la direction de Jerome Robbins, pardon. Well, we did Jerome Robbins Broadway, which was really a collection of all of Jerome Robbins. En fait, on a rassemblé major dancers from all of his musicals. Les grands morceaux de Jerome Robbins. Donc, moi, j'ai fait une espèce de suite de toutes les danses de West Side Story. C'était une espèce de résumé de tout ça. Il n'y avait que les danses. Hein. Et en l'espace de 30 minutes, dans ce spectacle Broadway, il n'y avait que de la danse. Et pourtant, on raconte toute l'histoire de West Side Story. Because man, you've got some high times ahead. Take it slow. And daddy, yo, you can live it up and die in bed. Boy, boy, crazy boy, stay loose, boy. Breeze it, buzz it, easy does it. Turn off the juice, boy. Go, man, go, but not like a yo-yo school, boy. Just play it cool. easy. Cool. Cool it. La chanson des Jets, Cool, en 1989, dans la revue autour de l'œuvre de Jérôme Robin. C'était à Broadway, avec vous, notamment, Joey McNeely, dans le rôle de l'un des Jets. Vous pouvez nous suivre en vidéo sur Facebook et vous pouvez commenter comme Marie-Mathilde Albert. Je me fais un plaisir de lire son petit message. J'ai découvert West Side Story au cinéma quand j'avais 8 ans. Je suis tombée amoureuse de Bernstein. J'ai beaucoup pleuré. C'était la chose la plus belle que je n'avais jamais entendue. Mon petit garçon, lui, est tombé amoureux de Maria et Anita quand il avait 5 ans. En regardant America, Tonight et I Feel Pretty. Et peut-être, derrière votre poste, vous allez tomber amoureux de Kevin Hack dans ce morceau qui clôt 42e rue, intitulé Maria, avec au piano Donald Chan. Maria, the most beautiful sound I ever heard. Maria, Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. I just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful the sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. Say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. The most beautiful sound I ever heard, Maria. Maria, Kevin Hack, musique, Leonard Bernstein. Merci à Kevin Hack, merci à Nathalie Ballanger, merci à Kelly Byrne, à Donna Chan, à John Yoon et Joey McNeely d'être venus ce matin en direct sur France Musique. West Side Story, c'est à découvrir, on vous le recommande vraiment à Paris, à la scène musicale, jusqu'au 12 novembre. Vous retrouverez sur la page de 42e rue, sur le site de France Musique, la programmation musicale de l'émission, les infos sur ce spectacle, et vous pourrez aussi retrouver les vidéos, puisque donc cette émission a été filmée ce matin par les équipes vidéo de France Musique et Jean-Michel Després. Je vous indique que le prochain cabaret 42e rue, il aura lieu, vraiment, je vous assure, vendredi 17 novembre à 20h. C'est exceptionnel, c'est un enregistrement, et nous pourrons recevoir Michel Legrand, qui sera bien là pour fêter avec nous les 50 ans des Demoiselles de Rochefort. Faites attention, vous le savez, les places partent très vite. Les réservations ouvriront sur le site maisondelaradio.fr dans quelques jours. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, préparée par Martine Moni, avec derrière Facebook ce matin Aliette Delalleux, avec Xavier Combes à la traduction. Merci beaucoup Xavier. Jean-Benoît Tétu, Claire Levasseur, Adrien Roche, Julie Garraud, et puis à la réalisation, Perrine Mingui. Je vous souhaite un très bon dimanche à l'écoute de France Musique. Il est midi et je vous laisse avec Stéphane Grand qui vous emmène à l'opéra. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent Vallière, on vous retrouve bien sûr dimanche prochain à 11h pour un nouveau numéro de 42e. Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.